Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le spectacle « Moi, je viens du Nord, City », un spectacle devenu mythique en Ontario français. Alors là, on arrive dans la Bible, les gens nous disent « Savez-vous que le prêtre en chaire a dit de ne pas venir voir votre pièce? » Non, parce que « Ouais! » Puis Pierre Jean Langer dit « Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? » Puis on avait un band de 6 musiciens dans le premier spectacle. J'ai dit « Pierre, va à la radio, annonce qu'on va faire un show gratuit, puis après le show, sans dire à personne, on va partir la pièce de théâtre. » C'est ça qu'on a fait. Il y a plein de monde qui sont venus au show gratuit de musique, puis de la minute qu'on a arrêté de jouer, on n'a rien dit, la pièce a commencé. Les gens sont venus voir la pièce de théâtre. Le chanteur Robert Paquette a fait partie de l'aventure du spectacle « Moi, je viens du Nord, City ». Et si ce spectacle est devenu avec le temps une sorte d'emblème du réveil de la culture franco-ontarienne, il faut aussi rappeler que cette pièce a fait scandale au moment de sa création, au début des années 70. Si les plus jeunes se sont reconnus dans la langue qu'on y entendait et dans les thèmes qu'on y abordait, les plus vieux en ont plutôt été choqués. La troupe universitaire avait présenté en 69-70 une pièce qui s'appelait « Moi, je viens du Nord, City ». Et puis, c'était une pièce qui a fait fureur d'une certaine façon, assez controversée aussi. Une pièce qui cherchait à démontrer, ou en fait, c'est assez banal comme intrigue, c'était un texte d'André Paiement, son tout premier texte de théâtre, d'ailleurs. Assez banal, mais c'est que c'était une pièce qui avait cela de particulier, c'est qu'elle s'intéressait très directement au milieu, aux problèmes du milieu, se servait de la langue des gens du milieu et se voulait aussi une façon de faire une certaine animation sociale dans un milieu. Mais avec Moi, je viens du Nord, City, on a pu aller exploiter un théâtre très régional, très axé sur le milieu, les problèmes du milieu, en se servant de la langue du milieu, et aussi en se servant d'une technique toute nouvelle. C'est une pièce multimédia, ce qui veut dire qu'on se servait de diapositives, de musique pour agrémenter et pour compléter finalement ce qui se passait sur la scène comme thème. Le Nord, où je suis né. Sur la chanson de Robert Paquette, « Moi, je viens du Nord », vous entendiez Denis Saint-Jules, ancien animateur de la station CBON de Sudbury, à l'émission Actuelle, émission présentée à la défunte chaîne culturelle de Radio-Canada en 1984, pour nous raconter l'histoire du spectacle « Moi, je viens du Nord, City », pour nous parler aussi de l'importance qu'a eu ce spectacle en Ontario français. Je reçois Joanne Melançon, elle est professeure d'études françaises à l'Université Laurentienne. Elle a travaillé à la préparation et à la présentation d'une exposition virtuelle autour de ce spectacle qui est devenu mythique à l'occasion du 50e anniversaire de ce spectacle. Moi, je viens du Nord City. Joanne Melançon, bonjour. Bonjour. Alors, en quoi et pourquoi ce spectacle-là, cette pièce-là, Moi, je viens du Nord City, est si importante pour la culture franco-ontarienne, Joanne Melançon? Bien, c'est une des premières, sinon la première manifestation d'une effervescence culturelle, puis là, je pense que je devrais dire d'une effervescence contre-culturelle de l'Ontario français contemporain. Le titre de la pièce lui-même, hein, « Moi, je viens du Nord, City », est un programme en soi, c'est même presque un manifeste. Par les mots, par le niveau de langue populaire qu'il assume pleinement, un peu comme ce qui s'était fait au Québec. Bon, pensons aux belles-sœurs de Michel Tremblay ou à l'hostie chaud. Donc, ces jeunes-là sont au diapason de ce qui se fait partout. Et le titre, pour moi, il souligne à la fois une affirmation individuelle, hein, « moi », »,« je », et une affirmation collective avec le Nord, cette idée du Nord qui va devenir très, très importante pour la culture franco-ontarienne. Et avec le niveau de langue populaire, ben, c'est aussi une autre façon de s'affirmer, mais c'est surtout je dirais la ponctuation finale du « sti ». D'ailleurs, le titre s'écrit avec un point d'exclamation à la fin. C'est un cri du cœur. Robert Paquette, quand il parlait de la chanson, il disait « c'est un petit cri de joie, ce sti qui arrivait à la fin ». Donc, il y a une affirmation, il y a une fierté et c'est surtout le point de départ, hein, de ce qui va devenir un mouvement de l'Ontario français contemporain, ça va donner le Théâtre du Nouvel Ontario, Cano, la coopérative des artistes du Nouvel Ontario, ça va donner la maison d'édition prise de parole, oui. Ça va donner le spectacle La Nuit sur l'étang, ça, donc le groupe Cano Musique, donc c'est vraiment un point de départ. La naissance, il se passe quelque chose à ce moment-là, il y a une identité, une culture franco-ontarienne, celle peut-être plus proprement associée au Nord, qui vient au monde, c'est un peu ça qui se passe avec ce spectacle. Là, Joanne Melançon. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment à Sudbury, il y a quelque chose vraiment qui se passe, qui se passe pas ailleurs. Mais en 70, la question identitaire, là, c'est important, c'est au cœur des préoccupations des communautés francophones. Puis ce qui arrive à Sudbury, ben, il y a l'Université Laurentienne, qui est une université relativement jeune, qui a été fondée en 1960 comme institution bilingue, sauf que la part des francophones diminue d'année en année, puis il y a une tension vraiment entre les francophones de plus en plus minoritaires et les anglophones. En plus, au département de français, il y a des étudiants qui sont vraiment rebutés par les cours de diction qu'on leur donne, qui sont frustrés d'avoir seulement des cours en littérature française, puis qui vont revendiquer des cours en littérature canadienne, on disait canadienne-française à l'époque, et ils vont faire un sit-in, je veux dire, ils sont de leur époque, hein. Ils vont faire un sit-in devant le bureau du directeur du département pour obtenir, ils vont même obtenir une concentration en littérature canadienne-française. Donc, il y a vraiment... il y a des jeunes qui savent ce qu'ils veulent, puis qui vont le revendiquer, puis qui vont l'obtenir. Et c'est dans ce contexte-là, donc ce contexte large, là, de cet état d'esprit que vous décrivez, qui est présent à l'Université Laurentienne, c'est dans ce contexte-là que va naître cette idée de faire ce spectacle. Moi, je viens du Nord, Sti. Il faut dire que ce mouvement, enfin, de revendication, mouvement contestataire, de contre-culture, c'est donc du côté des francophones de l'Université Laurentienne. Puis, au département de théâtre comme tel, il y a une volonté de changer les choses. Et puis, il y a des acteurs qui vont participer à ce changement-là. Je pense à Pierre Bélanger, mais on veut vraiment marquer une rupture. Oui, en fait, il n'y a pas encore de département de théâtre, mais il y a cette activité qui est la troupe, on l'appelle la troupe universitaire, qui fait du théâtre tous les ans et qui est là depuis 1961, mais qui normalement monte une pièce de répertoire, du Molière, etc. Et l'année précédente, donc l'année universitaire 69-70, il y a un nouveau professeur, donc le père Fernand Doré, un jésuite, qui arrive du Québec et qui commence à enseigner au département de français. Puis lui, il décide, non, on ne fera pas du théâtre de répertoire, on va faire un happening. Mm-hmm. Puis il va appeler ça le happening ontarien, c'est le nom qu'on lui a donné, en privilégiant donc l'improvisation, autant pour l'élaboration que pour la présentation. Ce qui donne qu'on n'a pas du tout de texte pour ce happening-là, mais ça a quand même fait bouger des choses, ça a lancé, si je puis dire, la nouvelle orientation que la troupe universitaire va prendre donc en 70-71 avec Pierre Bélanger. Donc, le père Doré se retire de la direction de la troupe cette année-là et c'est Pierre Bélanger qui va diriger la troupe. Et lui, ce qu'il veut, c'est proposer un théâtre d'engagement social et de création. Oui. C'est comme ça qu'on peut le lire dans le programme de la pièce. Et il va y avoir quand même une démarche un peu plus structurée parce qu'aujourd'hui, il nous reste un texte là, de cette pièce-là. Oui, même si c'est une aventure collective, mais avec un texte, c'est pas que de l'impro. On a parlé de Pierre Bélanger. Il est pas seul dans cette aventure-là. Qui sont les principaux acteurs, là, au sens propre et figuré, en fait, derrière ce spectacle? Moi, je viens du Nord, Sti. Oui, c'est une grande équipe. Donc, avec Pierre Bélanger, ça fait une vingtaine de personnes. En fait, il y a 19 jeunes, dont il y en a 5 parmi ceux-là qui avaient participé au Happening ontarien l'année précédente. Donc, il y avait déjà cette expérience. Et il y a 7 comédiens, 5 musiciens, c'est dire l'importance qu'on accorde à la musique, et 6 membres pour l'équipe technique, en plus d'un photographe. Donc, si on regarde, là, c'est à peu près un tiers, un tiers, mais c'est dire que oui, les comédiens, le texte, c'est important, mais on voulait vraiment faire un spectacle. Toute l'idée du multimédia est là dans l'équipe aussi, mais bon, on peut nommer, il y a évidemment André Paiement, qu'on considère un peu comme le père de la dramaturgie franco-ontarienne, qui va devenir le premier directeur du Théâtre du Nouvel Ontario, qui participe à l'écriture de plusieurs créations collectives et à qui on va attribuer le texte de « Moi, je viens du Nord », même si c'est une création collective, oui. Parce que dans les faits, c'est lui qui ramassait les idées de tout le monde puis qui allait rédiger le texte après. On a l'écrivain Gaston Tremblay, qui avait terminé un bac en littérature et commerce, qui va être un membre fondateur de la maison d'édition Prise de parole, qui va diriger pendant une dizaine d'années avant de retourner aux études, faire une maîtrise, un doctorat et devenir professeur. Oui. Ben, il y a Denis Saint-Jules qu'on a entendu oui. plus tôt, qui lui aussi a étudié en littérature, puis qui est qui a été animateur à CBON pendant 30 ans. On a Robert Paquette, oui. qui est un bachelier en littérature, qui, au lieu de faire une maîtrise, ben, est devenu l'auteur, compositeur, interprète qu'on connaît. Et donc, ça nous ramène, en vous écoutant, pour ceux qui connaissent un peu cette culture franco-ontarienne, c'est les piliers là, qui sont déjà là, des gens qui vont faire carrière et qui vont être importants pour la culture franco-ontarienne dans les décennies qui vont suivre. Revenons un petit peu à cet état d'esprit très particulier que vous avez déjà décrit, qui existe à ce moment-là, dans les années, au début des années 70, sur le campus de l'Université Laurentienne, parce que ça fait partie de l'aventure de « Moi, je viens du Nord City ». On écoute Gaston Tremblay, l'un des co-concepteurs du spectacle, a parlé de ce climat-là, de la petite révolution à laquelle on assiste à l'Université Laurentienne au début des années 70, extrait d'un reportage de Jocelyn Desjardins, présenté à l'émission Par les temps qui courent en 1999. Robert Paquette, André Bémant et moi-même, on est allés à Toronto et on a vu le spectacle hier. On est allés voir aussi le film 2001 en cinéma. Alors, c'est toutes ces choses-là qui ont fait qu'à un moment donné, ces gens-là, qui étaient des artistes dans l'âme, se sont retrouvés à l'Université Laurentienne, ont pris possession carrément de la troupe universitaire et ont plus ou moins mis les autres dehors. On a même fait la même chose avec le journal étudiant, la noyauté. Et on a fait une grève au département de français pour avoir des cours de littérature canadienne à l'époque. Alors, ça a été nos activités de l'année. Et on a créé une pièce qui s'appelait « Moi, je viens du Nord », qu'on a écrit en groupe. Alors, ce spectacle-là était très naïf. Mais il y avait un impact sonore et visuel assez spécial. On avait un band sur scène et on avait 4-5 comédiens. Il y a un thème assez à la mode, l'histoire d'un jeune garçon, d'une jeune fille qui se met en famille et les problèmes qui en découlent. On parlait le langage d'ici, de Sudbury, de l'Ontario. Ça sacrait sur scène, on n'avait jamais vu ça. On parlait de sexe, encore moins, et puis de drogue. Alors, on allait à la messe, je veux dire, 2 ans avant, puis là, tout à coup, c'était Sgt. Pepper, puis c'était vraiment le Flower Power de Los Angeles qui nous arrivait. C'était vraiment le choc pour nous, et c'était le choc aussi pour les gens qui nous ont accueillis dans les écoles. Alors, revenons sur ce contexte entourant le spectacle. Quel est, Joanne Melançon, le point de départ du spectacle « Moi, je viens du Nord City », qu'est-ce qu'ils ont en tête, les principaux créateurs de ce spectacle-là, quand ils décident de travailler à cette création collective? Bien, en fait, comme Gaston Tremblay vient de le rappeler, le voyage à Toronto est vraiment important parce qu'il voit là des manifestations culturelles qui vont avoir envie d'imiter. Oui. Donc, ils vont vouloir s'approprier ce travail avec l'audio, avec le sonore, avec la musique, avec le visuel. Et dès les premières rencontres, j'ai retrouvé des documents qui datent d'octobre 70, donc au début du mois d'octobre, une des premières rencontres, sinon la première rencontre. Et on voit dans les notes de Pierre Bélanger que c'est déjà acquis que la musique, les paroles vont être intégrées à la trame de la pièce, que la pièce, ça va être une succession de tableaux ou de scènes qui vont parler d'eux autres, qui vont parler de ce qu'ils vivent. Et entre ces tableaux-là, il va y avoir des intermèdes musicaux et visuels. Et en fait, ce sont des projections de diapositives. Oui. Et dans ces notes, on peut lire aussi que ce qui est important, c'est que tout soit authentique. Oui. Donc un contenu, c'est intéressant parce que autant le contenu est proprement, entre guillemets, franco-ontarien, on veut parler de qui on est, autant la forme s'inscrit dans l'air du temps, dans ces spectacles, dans ces films qui inspirent ces jeunes qui ont 20 ans au début des années 70. Oui, ben en fait, je dirais que cette pièce-là, elle est à la fois... Bon, Pierre Bélanger parlait d'un spectacle d'identification, oui. mais ça va parler d'eux autres, mais en même temps, comme toute œuvre, elle a quelque chose d'universel. Oui. Parce que finalement, le propos, il peut être transposé ailleurs. Mais ce qui était important pour les jeunes, je pense, c'était de se reconnaître, mais de se reconnaître aussi avec toutes ces influences oui. qui venaient d'ailleurs. C'était d'intégrer ces influences. Et de fait, ça raconte quoi, ce spectacle-là? Mais en fait, c'est la pièce est structurée d'une façon intéressante. La première scène, c'est un monologue du personnage principal, Roger, qui se présente au public. Et ça aussi, je trouve ça particulier. Il est là, il s'adresse directement à lui comme pour aller chercher le public. Il y a cette volonté d'identification dans la structure même. Et donc, Roger, c'est un jeune. Il termine sa 13e année. Il n'est pas très sûr de la réussir parce qu'il est il aime mieux sortir avec ses amis que faire ses devoirs. Et donc, il y a un petit côté révolté. Et son rêve, c'est d'aller à l'université parce qu'il pense qu'à l'université, il va être libre. Mmh. Il va être libre de porter les cheveux longs. S'il veut porter les cheveux longs, il n'y aura pas son père qui dira de se faire couper les cheveux. Et donc, dans la pièce, il va rencontrer sa blonde Nicole au restaurant, qui a quelque chose d'important à y dire, sauf que Roger se querelle avec un des clients qui est là et la propriétaire le met à la porte. Donc, il va devoir attendre à plus tard. Oui. Il rentre chez lui, il y a un conflit avec son père, un conflit ouvert. Donc, il y a le conflit père-fils qui est tout à fait universel. Il sort, il va retrouver ses amis où ça parle d'aller fumer du pot. Du pot, c'est là, il y a la chanson du pot, de la bouse. et donc, à la fin, ben, Nicole vient le rejoindre pour lui dire qu'elle est enceinte. Et là, Roger est totalement affolé. Il dit, je m'occupe de tout. Mais finalement, il est désemparé. Il fait appel à son ami Raymond, qui est le gars sérieux et qui va tout simplement lui dire, ben, écoute, il faut que tu prennes tes responsabilités. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans la pièce, c'est que la pièce, la fin reste ouverte. Oui. Comme si on laissait aux gens le soin de prendre leurs décisions. Oui. La pièce, elle est présentée une première fois au théâtre de l'Université Laurentienne de Sudbury, bien sûr. Puis elle va partir en tournée. Robert Paquette en parlait au tout début de l'émission. Cette tournée-là va créer des vagues, on va dire ça comme ça. On écoute à ce propos le chroniqueur culturel Daniel Aubin et Gaston Tremblay, qui est l'un des co-créateurs du spectacle « Moi, je viens du Nord, City » à l'émission « Le matin du Nord » en février 2021. Il nous parle justement de cette tournée, de la controverse que ça crée. Il y a seulement eu deux représentations à Sudbury, mais deux représentations qui retentissent encore aujourd'hui. Puis, il y a aussi eu une tournée dans le nord de l'Ontario, une tournée qui est passée loin d'inaperçu. Parce que moi, j'ai lu à quelque part que la représentation à Timmins pour des jeunes de l'école secondaire, ça a été vraiment une représentation fracassante qui a presque même fait le scandale. Et puis là, les jeunes, quand ils ont commencé avec la première chanson, je te jure que la salle a levé, c'était pas possible. Le principal n'a pas pu arrêter ça. Mais le principal, c'était un homme, bon, il avait l'air gentil, mais il était extrêmement religieux. Puis lui, là, le pot, ça n'existait pas, la boisson non plus. Puis il refusait toute réalité. Il avait un gros masque sur lui, puis on l'a enlevé en telle façon. On l'a arraché, on ne sait pas ce qui se passe. Là. Et puis là, il est allé plus loin, il est sorti de son rôle, il a appelé le curé de Kapuskasing, puis il nous a censurés. On a perdu notre salle à cause de lui. Alors, on vient de l'entendre, Joanne Melançon. Cette tournée-là, ça va aussi... Ça mériterait une émission en soi, la tournée de « Moi, je viens du Nord, City ». Mais ça montre bien à quel point cette pièce-là polarise. Les jeunes aiment cette pièce, mais ça choque aussi les plus vieux. Oui, tout à fait. Et puis, ça a permis aussi de créer des liens avec des jeunes ailleurs. Je pense à Hearst, par exemple. Il y avait un groupe qui s'appelait La Pitoune et qui, lui aussi, s'était donné comme pour mandat de promouvoir les arts dans le nord de l'Ontario. Et il y a des liens durables qui se sont tissés entre les communautés artistiques de Hearst et de Sudbury. Mais oui, la pièce, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec ça. D'ailleurs, Joël Bedos, metteur en scène et professeur à l'Université d'Ottawa, dans son analyse, disait que pour lui, cette pièce-là, c'est la première brique du monument qui va devenir le théâtre franco-ontarien. Oui, mais dans les faits, c'est toute une aventure, la tournée. Là. Il y a des tentatives de censure, le clergé s'en mêle, les jeunes aiment ça, mais les notables sont vraiment... le titre déjà choque beaucoup. C'est des choses qu'on ne veut pas voir, là, une réalité que certains ne veulent pas voir. Que certains ne veulent pas voir. Puis, on à Kapuskasing, il y a eu des problèmes, mais à Hearst aussi, il a failli ne pas y avoir de pièces juste à cause du titre. Je le disais au début, le titre est un programme en soi. Le titre annonce bien ses couleurs. Donc, quand on a essayé de vendre la pièce, puis on voit le titre, bien, puis c'est des religieux. Souvent, au collège de Hearst, c'était un curé qui était directeur des études aussi. Bien, il a sourcillé un peu. Oui. Mais finalement, c'est les jeunes, c'est le public qui a remporté. Ouais. On va boucler la boucle. Vous avez déjà évoqué ensemble au tout début de l'émission l'importance qu'a eu cette pièce-là pour la culture, pour l'identité franco-ontarienne. Parlez-moi de ça en terminant. C'est une pièce marquante, mais c'est aussi une pièce qui va déboucher sur la création de plein d'institutions qui vont faire cette culture pendant les décennies qui suivent. Oui, puis en fait, je pense qu'après le succès le succès en tout cas pour le public cible, parce que le public cible de Moi, je viens du Nord, c'était vraiment les jeunes, et on peut dire que de ce côté-là, c'est un succès. Et après ce succès-là, il n'était pas question d'en rester là. Et Pierre Bélanger, qui a beaucoup d'initiatives, va obtenir une subvention qui va permettre de poursuivre l'aventure. Donc, en engageant des jeunes, c'est un projet d'été qui vont offrir, entre autres, des ateliers de théâtre. Et déjà, la prochaine pièce, c'est Le Septième Jour, une autre création collective avec André Paiement, est en gestation. Donc, c'est tout un mouvement qui va arriver à la fondation du Théâtre du Nouvel-Ontario à l'été 71. Et déjà, même Pierre Bélanger, qui est toujours un pas en avant, on dirait, est à la tête d'un nouveau projet artistique qui est la coopérative des artistes du Nouvel-Ontario, Cano, ouais. Qui va être arrivé en janvier 72. Et en qui va être un groupe aussi auquel participe Robert Paquet. Un groupe marquant, là, un groupe emblématique de l'Ontario français. Un groupe emblématique de l'Ontario français qui va commencer en 1975 puis qui va durer une dizaine d'années. Et le professeur Fernand Doret, dont j'ai parlé plus tôt, plusieurs années après cette expérience-là, réfléchissait à tout ce qui s'était passé et résumait ainsi le projet et le rôle. Il y avait un rôle politique derrière ce geste créateur en milieu minoritaire. Et il disait « Compenser l'espace physique par l'espace culturel sans pour l'heure la voie à emprunter. » Donc, au fond, c'est par des manifestations artistiques et culturelles, et tout ça commence donc avec « Moi, je viens du Nord », que les Franco-Ontariens se sont affirmés. Joanne Melançon, c'était un bonheur de vous entendre. Passionnant récit autour de cette pièce devenue mythique. Je rappelle que vous êtes professeure au département d'études françaises de l'Université Laurentienne à Sudbury, chercheuse associée également au laboratoire de recherche sur les cultures et littératures francophones au Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.